Alors maintenant, on va peut-être faire un petit battement. J'ai envie de dire. Pour accompagner ton rap. Je vais le faire à capella parce que bah, vas-y, c'est clair, allez. on va te déstabiliser. Par contre, je vous garantis rien. Non, d'accord. Donc. La boucherie, voilà les moules frites, j'ai les boules et la trique, dans la foule le bat trip, je déboule avec ma clique, je m'en bats les couilles si tu flippes ou que tu mouilles petite, il m'en faut peu que je milite, passé douloureux, banlieue où jamais j'habite, au milieu des gitans et des gauches de riches, au point où j'en suis, ma queue je m'en fiche, si je l'écoute, y'a plus de rue, plus de miche, écoute la parler comment les pros sur ma fiche, je me fais autant si c'est qu'une miche, Silver, va te bouffer ta quiche, écoute la quenelle ma bitch, croque ma bitch, comme le patch sur la route, la bagnole, j'arrête comme une biche, sur la route, Bambi broute, ma bite est mal polie parce qu'elle est complexée, personne de la broute, c'est moi le chasse, le vierge, alors emballe ta moumoute, casse-toi en caisse, avant que je châtie ta chatte, je suis allergique aux poils, je gerbe et je gère, j'arrive, Marie Gouze, avec le bruit et les bagouzes, dédicace aux scatophiles, je lâche une bouse, de Pénélope à Le Pen, c'est le pénitencier, c'est pénible, du pénis, tu vas en chier, c'est terrible comme une partie de Ken, ma vie, mon existence, c'est ce long couloir noir infini qui commence, et qui s'arrête à ce mur de briques rouges, chez moi, y'a que le fric qui bouge, allez, ramène ta couche, que je me mouche, tu peux pas faire ta pu, ce, mais ta mouche, je t'opprime comme mon frère Manouche me prime, rime et rit comme une bouche à pipe. Oh, putain. Wow. Tout ça, il l'a écrit en quelques minutes juste avant. Hein. C'est quand... C'était Allô. Bien plein de frustration, ouais. Et plein de Pénélope. Ouais, j'ai entendu Pénélope, excusez-moi, ouais. Un appel à...